Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Adam et Ève mangeaient-ils des animaux ? Histoire d'une controverse. Assas active en cuisine. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et puis les clients arrivent. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voici le menu. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, avec une restriction. Bien sûr, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est certain. Devinez ce que les clients ont commandé. Je ne sais pas ce qu'a le Seigneur en ce moment, mais avec cette manie de créer le ciel, la terre, les animaux et les hommes, il va sûrement se causer du souci. Bon, après tout, maintenant que la terre est créée, Adam et Ève n'ont plus qu'à l'organiser. Voilà comment était imaginée la vie privée d'Adam et Ève sur la radio-télédiffusion française en 1956. Bonjour Olivier Christin. Bonjour. Adam et Ève, ces questions alimentaires, que mangeaient Adam et Ève ? Partons au début, partons dans le texte premier, la Bible, la Genèse. Alors quelles sont les premières indications sur ce que mangeaient Adam et Ève ? Alors en fait, il y a l'histoire d'Adam et Ève est très brève. Dans la Bible, c'est quelques versets, quelques passages, quelques pages qui ont occupé l'humanité pendant des siècles. L'histoire est magnifique, elle est mystérieuse, et comme elle est très brève, elle laisse beaucoup d'incertitudes. Il y a effectivement, dans Genèse, au moment de la création, comme vous l'avez rappelé à l'instant, la création des étoiles, de la terre, des animaux, puis la création des clients d'Adam et Ève ensuite, et à ce moment-là, Dieu indique ce qu'ils pourront manger. Et il y a une petite incertitude. Il est formel sur manger les graines, les fruits, les herbes. Là, c'est parfaitement clair. Il dit bien que l'homme aura autorité sur les animaux, mais il ne dit pas jusqu'où va cette autorité, par exemple jusqu'à les tuer ou jusqu'à les utiliser, utiliser leur fourrure, leur laine, leur force de travail, leur lait, on ne sait pas. Mais il y a même des débats sur les abeilles, est-ce qu'on peut utiliser leur miel ? Donc l'homme a autorité, il les nomme, mais est-ce qu'il a le droit de les utiliser ? Est-ce qu'il a le droit de les tuer et de les tuer pour les manger ? Ça reste assez mystérieux. Et au fond, on ne sait pas trop. Du coup, il faut attendre un autre passage du livre de la Genèse, qui est la sortie de l'arche, après le déluge, la sortie de l'arche de Noé. Noé sort, après cette période où la terre a été recouverte par les eaux, ce qui posera le problème des poissons, puisque eux, ils n'ont pas été concernés par le déluge, ils étaient tout à fait à l'aise, ni complètement les oiseaux, un peu à part. Et donc là, Noé sort de l'arche et Dieu conclut une nouvelle alliance avec les hommes, promet qu'il n'y aura plus d'autres déluges, et il réitère l'alliance en rappelant le régime alimentaire. L'homme pourra manger tous les arbres, tous les fruits des arbres, toutes les herbes, toutes les graines, et il ajoute qu'il pourra manger tout ce qui a vie sur terre. Noé sacrifie un agneau et il commence à cultiver aussi la vigne, c'est l'ivresse de Noé. Donc il y a bien deux passages qui se recoupent, mais pas totalement. Est-ce que avant il y avait une autorisation tacite de manger de la viande avant le déluge ? Ou est-ce qu'il n'y avait pas d'autorisation du tout et c'est le déluge qui fait qu'on mange de la viande ? Ou autre chose, la chute ? C'est pas très clair et du coup les théologiens vont s'emparer de ça et développer une exégèse absolument folle. Ah oui, folle et passionnante. Adam et Ève, le paradis, la viande et les animaux. C'est l'essai que vous publiez, Olivier Christin, avec Guillaume Allonge, chez Anacharsis. C'est vraiment passionnant d'étudier comment, autour de ces deux petits passages que vous venez d'évoquer, hein, première recommandation alimentaire, et puis après le déluge, nouvelle recommandation, toute une réflexion qui nécessite dès lors de se plonger dans le texte à la recherche du moindre indice. Alors, avant le déluge d'ailleurs, on cherche des indices, et il y en a peut-être. Voilà. Alors, cette exégèse de la Bible, ce commentaire de la Bible qui occupe les théologiens pendant des siècles, d'autant plus que les textes sont brefs, enfin le livre de la Genèse est pas énorme, pose plein de problèmes. D'abord parce que on pense que Moïse est l'auteur du Pentateuque, des cinq premiers livres, ce qui pose un problème à la fin du XVIIe, parce qu'on s'aperçoit qu'il aurait décrit sa propre mort, ce qui quand même paraît difficile. Mais qu'il est l'auteur du Pentateuque, donc c'est un texte qui a autorité, une autorité folle, c'est un texte d'autorité qu'on ne peut pas critiquer ou mettre en cause. Donc il faut régler les problèmes des contradictions. Déjà, c'est... Et puis, si on accepte que les deux choses, les deux passages ne disent pas tout à fait la même chose, alors il faut se demander à partir de quand on peut manger de la viande, où les hommes ont commencé à manger de la viande. Est-ce que c'est lié, et ça pose plein de questions, est-ce que c'est lié à la chute? Effectivement, ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance, la mort entre dans le monde, la mort, et donc ils peuvent tuer. Le péché entre dans le monde, ils sortent du paradis, et donc comme l'homme est plus faible, plus pécheur, moins fort, il va manger de la viande pour compenser. Et d'ailleurs, ce qui pose la question, s'ils n'en mangent pas, alors pourquoi leur fils Abel est berger? Qu'est-ce qu'il fait de ces agneaux? Bien sûr, il sacrifie à Dieu, mais le reste, qu'est-ce qu'on fait de la viande? Qu'est-ce qu'on fait? Il sacrifie le sang. Mais qu'est-ce qu'on va faire de la viande? Qu'est-ce qu'on va faire de la fourrure? Qu'est-ce qu'on va faire du lait? S'il ne mange pas de viande, pourquoi être berger? Bon. Et si c'est pas à ce moment-là que l'homme et la femme commencent à manger de la viande, est-ce que c'est seulement avec le déluge? Et là, il y a une autre interprétation qui arrive. C'est avec le déluge parce que la terre est lessivée par les eaux saumâtres ou salées. Et donc les hommes du 16e, 17e, 18e siècle savent très bien que l'eau saumâtre tue les cultures, amoindrit la qualité des fruits, des herbes. Et donc il n'y a plus rien à manger. Et c'est parce qu'il n'y a plus rien à manger que l'homme va se rabattre sur la consommation de protéines animales. Donc c'est deux explications très différentes. Soit c'est la chute et c'est le côté le pécheur de l'homme, c'est le péché originel qui amène l'homme à compenser au fond sa faiblesse, soit c'est la faiblesse des produits de la terre, de moins bonne qualité, comme aujourd'hui nous estimons que nos fruits et nos légumes ont moins de nutriments que les fruits d'il y a 50 ans, oblige les hommes à chercher autre chose, une autre nourriture. Mais chaque affirmation, chaque progrès entraîne des nouvelles questions, parce que si on mange de la viande, si les hommes mangent de la viande seulement après le déluge, alors se pose la question des animaux carnivores. Est-ce que les animaux carnivores étaient végétariens dans l'Éden? Pas forcément. Et donc, s'ils ne sont pas végétariens dans l'Éden, comment les faire entrer dans l'Arche d'Alliance sans qu'ils dévorent tous les autres? Et on a des auteurs qui se mettent à calculer combien d'équivalents d'agneaux il faudrait pour un loup sur 40 jours. Ou alors, est-ce qu'il y a une permission spéciale de Dieu qui rend ces animaux carnivores normalement végétariens pendant la durée du déluge? Voilà. Faut tout anticiper avec cette lecture de ces textes qui sont fascinants, parce que nous voyons bien qu'il y a ces controverses sur des points précis. On est vraiment sur l'origine même de la réflexion autour de la consommation des animaux, parce que si l'on a un regard, Olivier Christin, sur le reste de la Bible, on peut le dire. Par contre, après, on mange sans problème, il y a des banquets, il y a tout ce qu'il faut. Pour la suite, ça ne pose pas problème factuellement. Non, alors vous avez raison, il faut revenir au texte, parce que c'est bien sûr ça qui va occuper les auteurs sur lesquels on travaille. La Bible parle énormément de nourriture, tout le temps, de banquets fastueux, au contraire de banquets extrêmement modestes, de la multiplication des pains, de la pêche miraculeuse, des banquets au cours duquel on va exiger la tête de Jean-Baptiste, énormément de passages, mais au fond, il n'y a pas tant de passages prescriptifs qui disent qu'est-ce que l'homme doit et peut manger. Donc il y a un premier régime alimentaire, celui de l'Éden, très peu explicite au fond. Il a l'air végétarien, mais peut-être qu'il s'étend aux animaux, mais lesquels, comment, dans quelles conditions. Il y a le régime après la sortie de l'Arche de Noé, où là, clairement, Dieu autorise l'homme à manger les animaux, à tuer les animaux et à les manger. Puis, il y a une distinction qui se fait à ce moment-là entre les animaux purs et impurs, ceux qui ont le sabot fendu, ceux qui ont des écailles, ceux qui ont des arêtes ou pas des arêtes, des certains oiseaux qu'on peut manger, d'autres qu'on ne peut pas manger. Mais ça ne devient important qu'à partir du Lévitique et du Deutéronome, où là, brusquement, on commence à voir se mettre en place, pas brusquement, on commence à voir se mettre en place les règles cache-route, les règles qu'est-ce qu'on peut manger ou pas. Et puis, il y a un dernier régime alimentaire de ce passage incroyable du songe de Pierre, où Pierre doit manger avec des gentils. Et il est embarrassé parce que lui a des règles alimentaires sur les animaux purs et impurs. Et Dieu apparaît dans les cieux, lui apparaît en songe, avec une nappe chargée de victuailles, et lui dit qu'il peut tout manger pour pouvoir justement manger avec les gentils. C'est le moment d'universalisation du christianisme, qui passe d'une religion locale à une religion à vocation mondiale. Et il lui dit « Lève-toi, tue et mange ». Ah oui, c'est net au moins comme recommandation. Oui, là, c'est clair. Et certaines illustrations du XVIe, XVIIe siècle montrent cette nappe qui descend des cieux pendant que Pierre dort. Et la nappe est chargée de nourriture, qui sont toutes les nourritures interdites dans la tradition juive. On voit des sangliers, on voit des cygnes, on voit des animaux, des serpents, des choses qu'on ne mange pas dans la tradition juive. Oui, parce qu'il faut bien rappeler que ce texte, la Bible, est le point d'analyse et de vie simplement du quotidien de plusieurs religions, quelques nourritures bibliques. Elohim bénit Noé et ses fils. Il leur dit « Fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre. La crainte et l'effroi que vous inspirerez s'imposeront à tous les animaux de la terre et à tous les oiseaux des cieux. Tous ceux dont fourmille le sol et tous les poissons de la mer, il en sera livré à votre main. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme l'herbe verte. Je vous ai donné tout cela. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. » C'est de bonnes recommandations bibliques dans l'émission de Bouche à Oreille sur France Culture en 2001. Olivier Christin, à partir du même texte, la Bible, il y a plusieurs religions avec des interdits. Et on sent bien que la Bible est une construction historique, on le sait, qui se construit au fil du temps. Et puis que l'analyse de la Bible, c'est la même chose. J'imagine qu'il y a bien un regard sur ces recommandations du point de vue des chrétiens sur ce que font les juifs à partir du même texte. Alors, il manque tout le Nouveau Testament, bien sûr, mais il y a deux univers ici. C'est-à-dire que la carte continue dans le Nouveau Testament, mais ça change complètement les données du problème. Absolument. Le Nouveau Testament et ce songe de Pierre changent complètement les données du problème, puisque c'est l'émancipation des règles, des règles et des rites du judaïsme, avec l'idée d'un christianisme à vocation mondiale. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que les interdits alimentaires et le respect de tel ou tel interdit contribuent à structurer les identités religieuses entre le christianisme, l'islam et le judaïsme, puis plus tard entre les différentes confessions du christianisme, entre catholiques et protestants, de savoir si oui ou non on mange de la viande toute l'année ou seulement en certaines périodes, est-ce qu'on s'abstient de certains types de viande. Et puis ça va se poursuivre, alors en se détachant du texte biblique et en se détachant de ces références-là, mais pas totalement non plus, au XVIIe, XVIIIe siècle, avec les voyages d'explorateurs, avec les explorations, et la découverte des régimes alimentaires, soit des Amérindiens, soit surtout dans l'Inde, où on va découvrir des régimes alimentaires végétariens qui vont fasciner les explorateurs et fasciner les religieux qui vont les commenter. Oui, oui, parce que les jésuites qui découvrent en Inde des gens qui ne mangent pas de viande, qui ne portent pas de cuir, ça les intrigue, parce que vu que tout est lecture religieuse du monde, ils rapportent ça évidemment à la Bible. Exactement. Ils vont découvrir les pratiques alimentaires des brahmanes, ils vont comprendre, il faut toujours une petite part d'orgueil aussi, ils vont comprendre que les brahmanes sont au sommet de la hiérarchie des castes, de la hiérarchie sociale, et donc ils vont s'identifier aux brahmanes en disant, au fond, les brahmanes, c'est un peu comme nous, les missionnaires, ou comme les clercs, c'est un clergé cultivé, avec une religion savante, compliquée, ils jouissent du respect de leurs concitoyens, des habitants, aussi en raison de leur modération et du refus de toucher quoi que ce soit des animaux. Et donc certains vont imaginer qu'au fond les brahmanes auraient été christianisés très longtemps avant, très très tôt, et qu'il resterait des traces de cette christianisation ancienne de l'Inde dans les pratiques alimentaires des brahmanes. Comme quoi les jésuites et les missionnaires, certains ont tendance à projeter sur les cultures étrangères leurs propres préoccupations. Avec une réflexion sur ce qu'est l'animal, parce qu'il y a de ça aussi, on ne peut pas séparer la réflexion sur l'animal de la religion. On le redira jamais assez, combien tout est mêlé, sans cesse mêlé. L'animal n'est pas perçu exactement comme nous. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'une volaille? Qu'est-ce qu'un animal marin? Est-ce vraiment un animal? Il y a toutes ces réflexions aussi qui permettent de saisir comment ben, on s'interroge s'il faut les manger ou pas. Oui. Alors, ce livre, nous l'avons écrit avec Guillaume Allonge, qui est un historien italien de grand talent. Nous l'avons écrit à quatre mains parce que la bibliographie est vraiment européenne. C'est-à-dire, les auteurs qui s'intéressent à cette question, il y a des auteurs allemands, il y a des auteurs espagnols, il y a beaucoup d'auteurs italiens. Nous avons aussi des Anglais, des Français dans le corpus. C'est beaucoup, beaucoup de gens qui vont rentrer dans cette querelle qui paraît un peu étrange de savoir si Adam et Ève mangeaient de la viande avant la chute, après la chute, avant le déluge, après le déluge. Ça va occuper des centaines de théologiens, de savants, de médecins, d'historiens, en gros, entre 1600 et 1750. Et dans ces questions, on retrouve une curiosité pour le monde et pour l'inventaire du monde. C'est-à-dire, c'est une période d'expansion européenne, d'inventaire des richesses du monde et des richesses naturelles, des animaux méconnus jusqu'à là. Alors, des animaux fabuleux, la licorne, on dira peut-être un mot de l'agneau végétal, on imagine des créatures qui n'ont jamais existé, mais en même temps, la volonté de cataloguer tout ce qu'on découvre. Et du coup, ça pose aux savants un problème qui est où trancher certains partages qui paraissent aller de soi, par exemple entre la chair et le poisson. Hein, nous avons gardé l'expression mi-chair, mi-poisson. Ben, c'est une question qui se pose de manière ironique ou pas. Par exemple, si je mange du pingouin, alors on ne mange pas beaucoup de pingouins dans le régime alimentaire du XVIIe siècle, mais si on mange du macareux ou du pingouin ou de l'étoile de mer, est-ce qu'on mange du poisson? Et dans ce cas-là, on ne brise pas les règles du jeûne catholique, ou est-ce qu'on mange de la chair? Et dans ce cas-là, c'est très grave. C'est un problème. Donc, ils vont essayer de faire des partages. Et puis aussi, le partage alors entre chair et poisson, et puis le partage entre végétal et animal. Où passe la frontière exactement? D'où des imaginations débridées, alors par exemple sur l'étoile de mer, ou sur ce fameux agneau végétal, qui est un récit qui prolifère au XVIe, XVIIe siècle, dans les traités les plus sérieux hein, de botanique, de zoologie, d'inventaire des animaux, où ils disent avoir des récits fiables de voyageurs qui reviennent de Moscovie ou de Tatarie, et ils auraient vu un agneau, une espèce de plante, on ne sait pas si c'est un fruit ou une plante ou une fleur, qui pousserait sur un arbre et qui aurait la forme d'un agneau. Aïe, mais alors voilà. Ce serait quoi? Animal ou végétal? Voilà. Les deux en fait. Alors, les deux, un agneau végétal. Et là aussi, il y a bien sûr cet inventaire du monde, cette curiosité encyclopédique de l'homme du 16e, 17e, 18e, l'homme et la femme 16e, 17e, 18e. Mais en même temps, derrière, des préoccupations religieuses. Parce qu'on a trouvé un traité de botanique anglais formidable de John Parkinson, avec un frontispice illustré superbe. On voit Adam et Ève dans un paradis luxuriant, dans lequel il n'y a pas un seul animal, pas une seule bête, sauf cet agneau végétal placé au milieu. Et là, on ne peut pas ne pas penser à des références sur l'agneau pascal, sur l'agneau de Dieu, sur le Messie, sur l'incarnation. Évidemment qu'il y a des connotations religieuses, d'autant plus que ce Parkinson est catholique dans une Angleterre en train de devenir protestante. Donc voilà, des préoccupations scientifiques, l'inventaire des choses et les classer. Végétal, animal, chair, poisson, consommable, pas consommable, toujours traversé par des soucis religieux. Parce que ce n'est pas simplement des questions théologiques. D'ailleurs, dans le quotidien des gens au moment du carême, vous l'avez dit, Olivier et Christin, bah, ça se pose vraiment comme question. Est-ce qu'il est possible de manger de la volaille au moment du carême? Parce qu'on a faim, alors qu'on se dit, bah, tiens, si c'est autorisé, est-ce que c'est vraiment un animal avec de la viande qui est interdite pour le carême? Alors, ce sont des enjeux quotidiens. C'est-à-dire, cette querelle, au fond, le livre avec Guillaume Allonge raconte ça. C'est comment une querelle technique d'exégète qui constate et relève, comme d'autres avant, qu'il y a deux passages du livre de Genèse qui disent pas tout à fait la même chose. Il y a une petite incertitude, il faudrait trancher cette incertitude. Mais en travaillant sérieusement, on finit par lever plus de questions, lever plus de problèmes qu'on voulait en résoudre. Et puis, il y a des enjeux concrets. C'est une période d'éclatement confessionnel, c'est la fin de l'unité religieuse de l'Europe, et la question de la consommation ou non de la viande en période de jeûne et en période de carême devient un marqueur confessionnel entre catholiques et protestants. Ça devient vraiment une différence, à tel point que, par exemple, pour découvrir des protestants cachés, on regarde s'ils mangent ou non de la viande en période de carême ou le vendredi. Ça permet de les identifier tout de suite. C'est un test, comme est-ce qu'ils acceptent de se découvrir devant la statue de la Vierge. Donc ce sont des enjeux. Ce sont des enjeux commerciaux. Par exemple, les bouchers catholiques se plaignent de la concurrence déloyale des bouchers protestants qui sont ouverts et qui proposent une carte étoffée en période où eux, ils sont obligés de fermer. Ça pose un problème de régulation des marchés à tel point que le premier grand traité de police français, le traité de Nicolas de Lamarck, un chef-d'œuvre d'histoire d'administration, lorsqu'on lit le chapitre boucherie, ben ça commence par le récit de la Genèse, du livre de la Genèse, et ils se demandent si Adam et Ève mangeaient de la viande. Donc, c'est bien des problèmes quotidiens pour les gens. Je fais juste une dernière anecdote parce qu'elle est trop belle. Elle n'est pas dans le livre. C'est un pastiche de Ulrich von Hutten qui écrit des fausses lettres de religieux de Cologne à la veille de la réforme luthérienne. Et ce sont des lettres écrites dans un latin épouvantable, avec plein de fautes, verbeux, prétentieux, où ces jeunes apprentis, moines, clercs, théologiens, se posent des questions sans solution, absurdes. Et une des questions qui les préoccupe, l'un est tourmenté parce qu'il a mangé dans une auberge un œuf dans lequel le poussin était déjà formé. Et il veut savoir s'il a brisé le carême ou pas. Et ça occupe des pages et des pages. Et voilà, bah c'est formidable parce que ce n'est pas dans le livre. Et quand on voit la richesse de votre livre, Olivier Christin, avec Guillaume Allonge, Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes, on comprend combien, pour l'historien, les sources sont sensationnelles. Au sens où il y a un contraste entre la source première, c'est-à-dire la Bible, avec quelques mentions, mais qui ont créé, générer un nombre d'écrits dans ces temps qui nous intéressent, 17e, 18e siècle. Mais là, il faut s'y retrouver dans les sources parce que ce ne sont pas que des sources théologiques, c'est partout. Alors voilà, c'est ça qui nous a intéressés et c'est pour ça qu'avec Guillaume Allonge, nous avons décidé d'entreprendre cette enquête. C'est au début, c'est une curiosité d'historien de la religion. Guillaume est un historien de la théologie, un historien de l'évangélisme. Moi, je suis historien des disputes religieuses. On a l'impression d'être tombé sur une dispute religieuse comme une autre, et notamment une dispute entre des champions catholiques et protestants qui vont s'affronter sur cette question. Parce que de dire si Adam et Ève ont été végétariens ou véganes, ça a un impact sur la licéité, la légitimité du jeûne catholique. C'est-à-dire, est-ce que le jeûne catholique est le lointain parent de ce jeûne initial d'Adam et Ève et un moyen pour l'homme pécheur d'aujourd'hui de retrouver une partie de l'innocence de nos ancêtres Adam et Ève. Donc on pense qu'on est tombé sur ça. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a des récits de voyage, il y a des romans bibliques, il y a des pièces de théâtre qui racontent comment Adam et Ève vivent au paradis, mangent bien, s'habillent plus ou moins bien au paradis. Et puis, la vraie surprise pour nous, c'est l'arrivée des sciences de la nature, de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un animal, qu'est-ce que c'est que la digestion, est-ce que l'homme a les organes digestifs d'un carnassier ou d'un herbivore. Parce que c'est vraiment ça qui est passionnant, c'est de saisir sans arrêt toutes les perches que l'on peut tendre vers d'autres domaines, avec dans cette histoire-là toute une réflexion que l'on peut avoir sur l'autre. On sent, vous l'avez bien dit, que c'est un marqueur de différenciation. Et l'historien que vous êtes, Olivier Christin, vous êtes directeur d'études à l'École pratique d'hautes études, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Neuchâtel, l'historien contextualise son propos et c'est vrai que nous sommes dans une période qui sort des guerres de religion. Le contexte est essentiel pour comprendre l'origine même de cette controverse qui apparaît quand même d'un coup comme ça, qui est très étonnante et qui est passionnante parce que ça l'est pour nous, mais pas pour les gens de ces temps-là. Oui, vous avez raison, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le texte de la Bible, il est là. Il est connu tout au long de l'Antiquité tardive, il est connu au Moyen-Âge. C'est pas une découverte. Mais brusquement, il y a du carburant qui va arriver pour faire flamber ces interrogations qui jusque-là étaient des interrogations de clercs, de prédicateurs. Quelque chose va mettre de l'essence et faire exploser la controverse qui engage... Alors on n'a pas fait d'index des... Si on a un index des auteurs, il y a 300 noms, 250, 300 théologiens du 17e, 18e, médecins, savants qui s'intéressent à cette question. Et vous avez parfaitement raison, c'est la sortie des guerres de religion et les rapports entre catholiques et protestants dans une Europe devenue une Europe plurielle, qui est encore la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, comment mange-t-on ensemble avec des gens de religions différentes? Peut-on manger avec nos voisins qui n'ont pas les mêmes convictions ou les mêmes pratiques? Donc la fin de l'unité religieuse, l'essor de l'État et la volonté de surveiller la concurrence, les marchés, l'organisation, et puis l'essor des sciences de la nature qui commence à avoir quelque chose à dire sur qu'est-ce que c'est que manger, qu'est-ce que c'est que digérer, avec des questions qui ne sont plus les nôtres. Mais la Bible, si on prend les chronologies de la Bible, il fallait prouver que le monde a moins de 6000 ans. Donc on compte les générations, et Adam est mort à plus de 800 ans, Ève aussi, Abel a vécu très vieux, Mathusalem naturellement, etc. Pourquoi nous ne vivons plus que 80 ans et pas 800? Est-ce que c'est parce que nous mangeons de la viande? Et donc arrive des médecins, des spécialistes d'anatomie comparée qui disent « l'homme est monogastrique, l'homme n'a pas de crocs pour déchirer la viande, l'homme a un intestin beaucoup plus long que celui du chien », et des comparaisons tout à fait étonnantes. On va comparer avec les bréchets des oiseaux. Pour comprendre la digestion, et c'est une grande querelle scientifique qui se mélange avec la querelle Adam-Ève, c'est qu'est-ce que c'est que l'estomac ? Voilà. Ouais. À quoi sert l'estomac ? Et ça va les occuper, donc des médecins catholiques, vont s'occuper de la question de l'estomac, parce que derrière, il y a bien sûr la question du jeûne. C'est-à-dire, est-ce que les aliments de carême sont bons pour la santé ou pas ? Voilà, avec toujours cette idée d'expliquer des controverses anciennes qui ne sont pas simplement théologiques, qui pourraient le paraître sur le papier, mais qui vont beaucoup plus loin, avec même une réflexion sur ce qu'est l'animal. L'homme est bien plus proche du cochon que du singe pour beaucoup d'aspects. Alors lesquels ? Pour l'appareil digestif, pour l'appareil urinaire, pour tout ce qui concerne la sexualité, ce qui concerne le système cutané et un assez grand nombre d'organes, ce qui explique qu'aujourd'hui, les greffes d'organes de porc sur le corps humain, pour des périodes en général courtes, soient choses relativement fréquentes. J'ai même lu que les truies pouvaient être mères porteuses d'embryons humains pendant quelques heures, pendant une opération. Donc il y a vraiment une parenté biologique qui a aussi ses limites, mais que connaissent les sociétés anciennes, que connaît l'Antiquité, que connaît le Moyen-Âge. Et ça entraîne à une réflexion sur une parenté qui ne serait pas seulement biologique, mais peut-être aussi psychologique, mentale et en tout cas fortement symbolique. Cette longue réflexion sur les animaux dans les chemins de la connaissance, c'était en 1995 et c'était le grand Michel Pastoureau qui réfléchissait au cochon, parce que le cochon, symboliquement, est très important. C'est la distinction entre les Juifs et les chrétiens, c'est pas du tout la même chose, ceux qui mangent du cochon et ceux qui n'en mangent pas. C'est cette rupture entre l'Ancien et le Nouveau Testament, soit, mais il n'y a pas que ça. C'est le rapport à l'autre animal, en fait. C'est le rapport à ce qu'est l'animal. Peut-on tout manger ? Est-ce que ces questions-là, Olivier Christian, apparaissent dans la controverse sur Adam et Ève, mangeaient-ils des animaux ? Quels animaux mangeaient-ils ? Pouvaient-ils tout manger ? Oui, alors, elles apparaissent. Le texte de Michel Pastoureau est magnifique et absolument passionnant. Ce sont des préoccupations qui existent, évidemment. Alors, elles existent peut-être sous deux traits dans cette controverse. Adam et Ève étaient-ils végétariens ? Le premier, c'est la question des animaux carnivores, qui est essentielle si on veut comprendre est-ce que l'homme peut être carnivore ? C'est-à-dire, si l'homme ne mange pas de viande dans l'Éden, s'il ne mange pas de viande dans l'Arche de Noé, alors que font les animaux carnivores ? Et donc on a des traités de l'Arche de Noé absolument magnifiques, nous avons lu avec Guillaume Allonge, qui imagine que les animaux carnivores restent carnivores dans l'Arche, et donc il faut une Arche de Noé extrêmement sophistiquée avec plusieurs étages, un peu plus gros qu'un porte-avions d'aujourd'hui, où on peut stocker assez de moutons pour nourrir assez de loups et de lions et de hyènes et de tigres, et assez de fourrage pour nourrir tous les moutons qui serviront à nourrir. Donc la question de l'animal carnivore va devenir très importante dans cette discussion et va nourrir un certain nombre de réflexions, de comparaisons sur manger de la viande. Est-ce que c'est être au sommet de la hiérarchie des êtres vivants ? Est-ce que c'est ça qui constitue la marque de... Regardez les animaux malades de la peste, la fable de La Fontaine. C'est une cour autour du roi lion, c'est une cour autour du roi, du lion Louis XIV. Ceux qui parlent en premier, ce sont les animaux carnivores. C'est le renard, c'est le tigre, c'est l'ours. Et ceux qui parlent en dernier, les plus bêtes, c'est les moutons et l'âne, à roues sur le baudet, ce sont les herbivores. Donc il y a bien une image, et socialement, elle est confirmée par les pratiques alimentaires qu'on connaît du 16e, 17e, 18e. Manger de la viande, c'est manger comme ceux qui peuvent se permettre de manger de la viande, qui peuvent chasser, qui peuvent avoir des ressources produites par la chasse. Donc, il y a bien sûr cette question de l'animal et de l'animal carnivore avec un imaginaire social derrière très, très très fort. Et puis, deuxième présence de cette réflexion sur l'animal, c'est évidemment la question du système digestif et de ce qu'est la digestion. Et là, c'est là où les sciences de la nature vont rentrer dans ce débat qu'on pourrait penser confiné à un monde de théologiens. Au début, c'est ça qui nous intéressait, de dire bah, c'est un univers très clos, dans lequel on pose toujours les mêmes questions, il n'y a pas de nouvelles évidences, il n'y a pas de nouvelles preuves, c'est toujours les mêmes textes qu'on ressasse, puisqu'on ne va pas aller découvrir le cadavre d'Adam et Ève pour l'autopsier. Donc, toujours les mêmes textes qui font autorité. Et puis, brusquement, des gens arrivent, par exemple, Gassendi, qui regarde les dents et qui dit « l'homme n'a pas les dents de carnivore ». Comment on répond à ça? Et d'autres vont faire de l'anatomie comparée, donc avec des expériences sur le système digestif pour savoir, par exemple, si l'estomac est une cuisson ou une trituration, comme ils disent. Est-ce que l'estomac est un muscle? Ou est-ce que l'estomac est un four? Ou est-ce que l'estomac est une usine chimique qui dissout? Donc, certains avalent des petits tubes de bois dans lesquels ils ont mis un morceau de viande, ils ont percé des trous pour voir si le suc gastrique va dissoudre. Des choses extraordinaires. Mais il y a une autre tradition qui n'apparaît pas dans notre texte, qui est une tradition, je dirais, pythagoricienne et qu'on va retrouver dans l'intérêt pour les brahmanes, qui est la question du droit des animaux, du statut de l'animal et la volonté de ne pas céder à la tentation de l'animal-machine cartésien, de considérer que l'homme n'a pas de raison et n'a pas de droit particulier à infliger des souffrances sans fin aux animaux. Mais dans notre ouvrage, cette tradition est en pointillé, puisque en raison du choix des sources, c'est que nous sommes partis d'une dispute théologique pour montrer comment elle s'élargissait. Mais ça existe, il y a bien des pythagoriciens modernes, pas très nombreux, mais il y en a. Mais il y en a. Et il y en a, il y a des Italiens, il y a des Français. Et puis avec les Lumières, on va en trouver un peu plus, chez Condorcet, chez Voltaire, on va commencer à trouver plus de textes, ou chez les médecins anglais, Chain, un petit peu plus, oui. Dans cette réflexion théologique, le rapport au corps de l'homme et de la femme peut s'apparenter aussi à la question de l'existence d'Adam et Ève. Parce que réfléchir sur Adam et Ève étaient-ils végétariens, c'est réfléchir aux animaux et à leur consommation. C'est réfléchir aussi à la symbolique d'Adam et Ève. Alors, symbole Adam et Ève, parce que vous savez, il y a toujours cette controverse, ils étaient deux, donc comment ils ont pu générer une population? Donc il va y avoir la réponse de dire, mais tout ça est un symbole, et c'est très compréhensible. Et d'autres vont avoir une lecture en disant, non, non, c'est la vérité. On en est où au moment de cette controverse au XVIIe, XVIIIe siècle? Alors, on en est vraiment à une charnière que Guillaume Allonge a étudiée à la suite d'auteurs anglo-saxons célèbres qui ont travaillé sur l'histoire d'Adam et Ève. La Renaissance, alors ça a été très très étudié justement par ces auteurs anglo-saxons pour l'Angleterre du XVIIe, Milton, Lost Paradise, des poèmes magnifiques. Mais en fait, ça apparaît déjà dans l'Italie du XVIe et début XVIIe siècle. C'est la contemporanisation d'Adam et Ève, qui deviennent réels, qui deviennent des vraies personnes. Plus des symboles, plus des mythes, plus un mythe des origines, mais des vraies personnes dont on peut raconter l'histoire, dont on peut raconter la vie, sur lesquelles on peut poser des questions qui sont des questions qui nous concernent. Comment s'habillaient-ils? Comment vivaient-ils? Quelle est leur descendance? Comment ont-ils vécu après la sortie du paradis? Et il y a plein de romans, il y a plein de poésie, il y a plein de théâtre qui met ça en scène. 16e, 17e siècle. Et on le voit aussi dans la peinture, où ils deviennent plus réalistes, ils ont des corps plus proches des nôtres, plus des silhouettes lointaines et un peu indéfinies. Par exemple, chez Dürer, etc., ce sont vraiment des contemporains, des corps du temps, de notre temps. Et donc, c'est vrai que ça devient le lieu où réfléchir à notre condition, à la condition humaine, pour les hommes du 16e et puis du 17e, 18e, très très fortement. Et notamment, c'est ça qui nous a intéressés dans l'enquête, qu'à ma connaissance, c'est une des premières fois où c'est fait systématiquement. Avant, bien sûr, on va trouver dans des ordres religieux, bien sûr, mais massivement, le lien entre consommation de viande et excessive et santé. Le lien entre alimentation et santé est posé là, dans des termes nouveaux. dans des termes nouveaux qui font étrangement écho aux termes dans lesquels nous posons cette question. Nous savons que la consommation excessive de viande rouge donne des pathologies particulières. Eux, ils ne s'est pas formulé en termes de pathologie, c'est toujours avec des arguments bibliques. Nous vivons moins vieux qu'Adam et Ève. Mais ça pose bien la question de notre nature humaine. Oui, absolument. Parce que ce sont devenus des êtres réels, Adam et Ève. Et les animaux aussi, j'ai envie de dire, sont devenus réels au sens où la meilleure connaissance des animaux par tous ces voyages, par toutes ces circulations, fait que nous sommes moins dans une représentation symbolique de l'animal et qu'il y a une vraie représentation quand on le voit en couverture de votre ouvrage Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes. On a un détail de tableau avec des lions qui ressemblent authentiquement à des lions. Il y a en fait une meilleure connaissance du monde. Cette controverse autour d'Adam et Ève, était-il végétarien, ça reflète la meilleure connaissance qu'ont les contemporains du monde. Absolument. C'est au fond, peut-être deux choses. L'une, c'est une meilleure connaissance des animaux et une réflexion sur ce que c'est que la nourriture, ce que c'est que la génération. Alors, c'est toujours des questions qui peuvent nous paraître étranges, mais par exemple, un des points importants du débat sur les animaux carnassiers ou carnivores, sont-ils toujours carnivores et dès le début, c'est tout bête, mais c'est une question de logique. Si Dieu a créé deux individus de chaque espèce, un mâle et une femelle, alors s'il y avait dès le départ des lions carnivores et qu'ils ont mangé la femelle brebis, les brebis auraient disparu de la terre. Donc, ou Dieu en a créé plusieurs, ou ils n'étaient pas carnivores au départ, le temps que l'espèce se propage. Donc ça pose ces questions-là. Et puis l'autre aspect sur cette connaissance, c'est évidemment une meilleure maîtrise de ce que sont et la volonté de comprendre ce que sont les animaux, ce que sont leur régime alimentaire, ce que sont leur mode de digestion. Et notre livre, c'est un peu ça. C'est une histoire de la frontière entre science de la surnature et science de la nature qui se déplace. Et les sciences de la nature envahissent doucement un territoire qui jusque-là était réservé aux sciences de la surnature, à la théologie et à la loi révélée. Elle ne le remplace pas. C'est pas brusquement. La science arrive et c'en est fini des discussions, des coupages de cheveux en quatre, même s'il y a quelques passages qui sont... C'est pas ça. C'est pas un remplacement d'une vraie science qui vient remplacer une fausse. C'est un recouvrement, un tuilage, des formes hybrides. Dans cette controverse, on sent bien qu'on a la réponse à la disparition des licornes. Hein. Donc c'est donc le lion qui aurait mangé la femelle licorne. Voilà, ça nous explique la disparition des licornes. Ah, non mais absolument. Ça pourrait. Non mais on sent en fait, Olivier Christin. Et dans votre propos même, dans votre manière de raconter cette controverse, que il faut mettre en place les hypothèses et puis contrebalancer. Apporter d'autres arguments. C'est ça la nature même de cette controverse et on pourrait s'amuser presque à en donner la chronologie. À partir de quel moment on voit apparaître le début de la discussion et surtout dans quel univers ? Est-ce qu'on est dans un univers plutôt des sciences, de la médecine ou alors un univers théologique ? Oui, c'est vraiment un moment charnière. C'est-à-dire, Guillaume, Allonge et moi avons surtout, pendant longtemps, travaillé sur les disputes religieuses du XVIe siècle, qui sont des disputes agonistiques. On s'invective, on se promet les peines de l'enfer, on se traite d'incapable. Voyons comment Luther parle de ses adversaires catholiques. Il n'a pas de mots assez méprisants et assez durs pour les catholiques. Et puis, petit à petit, on va voir notre dispute sur Adam et Ève envahie par d'autres acteurs, des médecins, des philosophes de la nature, des gens qui font de l'anatomie comparée, qui, eux, vont employer d'autres ressources argumentatives. Dans l'univers des sciences de la nature, un des éléments, on peut pas utiliser l'insulte et l'invective, ça marche pas. On peut pas, comme aujourd'hui, on peut pas, à propos des rapports du GIEC, dire des insultes ad hominem ou ad personam, ou il est ridicule, d'ailleurs, il est très laid, enfin, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut des arguments de raison, il faut remplacer les arguments d'autorité par des arguments nouveaux, expérimentaux, et surtout, il faut mettre en place une civilité, une courtoisie de la dispute. Et donc, ce sont d'autres cérémonies, d'autres cérémoniels de politesse, de courtoisie, d'hommage réciproque, j'ai beaucoup aimé votre démonstration, j'ai beaucoup aimé votre livre, mais je suis en désaccord. Et justement, c'est comme l'univers savant aujourd'hui, c'est plus on élève l'adversaire, plus on dit que son adversaire est de très haut niveau, plus soi-même on s'élève. Je triomphe d'un grand esprit. Et là, deux institutions vont jouer un rôle qui était absent des disputes religieuses avant, ce sont les journaux savants, et les recensions de livres dans les journaux savants. C'est pour ça que nous avons ce corpus gigantesque. C'est que les journaux se mettent à faire des recensions de, des livres partout en Europe et ils appellent, il n'y a pas de téléphone, mais ils écrivent aux auteurs pour dire « Votre livre a été recensé par votre collègue, pas très bien, voulez-vous lui répondre ?» Donc ils organisent une espèce de cycle, de spirale de la dispute, mais toujours dans des formes polies, courtoises, civilisées, pour reprendre le vocabulaire du 18e, les formes des Lumières. Et les autres institutions qui vont jouer, l'autre institution, il y a les journaux, les revues savantes, qu'on lit dans les cafés, qu'on lit à haute voix, dont on discute dans les salons, et puis les académies. Et les académies savantes qui vont jouer un très grand rôle, qu'elles ne jouaient pas dans les disputes religieuses. Ce n'était pas leur domaine, ça n'était pas leur territoire. Et les universités n'étaient pas un lieu de débat scientifique. C'était un lieu de protection de la vérité, de protection de la vérité révélée. Ce n'était pas un lieu d'expérimentation. Et là, c'est au contraire, nous sommes dans le domaine, par endroit, par moment, de la dispute savante contemporaine, la nôtre. Avec toujours une limite qui est de respecter la religion, parce que nous sommes dans un monde où l'Église est encore très présente. Retour au texte, le Cantique des Cantiques. La mort d'un végétal nous laisse de marbre. Celle d'un poisson, complètement froid. Celle d'un oiseau nous effleure à peine de son aile. La mort d'un mammifère nous dérange. On préfère ne pas regarder. Quant à l'agonie d'un singe, elle nous bouleverse, nous paraît franchement odieuse, à nous, singes nus. Puisse celui qui n'a jamais versé une larme sur leur sort être changé en pourceau. Quelle drôle d'idée d'être changé en pourceau. Olivier Christin, dans cette controverse autour d'Adam et Ève, du paradis, des animaux et de ce que tout le monde mangeait. Est-ce que l'Église a son mot à dire? Est-ce qu'il faut se méfier dans la controverse de ne pas froisser l'Église? Parce que 17e, 18e siècle, une Église très présente, un clergé qui surveille tout. Oui, l'Église a son mot à dire. Et Buffon va d'ailleurs être obligé de se rétracter, de dire qu'il n'avait pas voulu mettre en cause la mosaïcité du Pentateuque et qu'il n'avait pas voulu mettre en cause l'autorité du texte de la Genèse dans son travail sur l'histoire du monde. Même le grand Buffon, même au milieu du XVIIIe siècle, est obligé à certaines prudences parce qu'on touche au cœur de la création et de la création divine. Ce sont des textes d'une autorité extrême sur lesquels il faut avancer ou avec lesquels il faut avancer avec la plus grande prudence. Mais il n'y a pas que ça. Il y a que aussi la controverse naît de deux conflits spécifiquement religieux. L'un, c'est un conflit à l'intérieur des ordres religieux catholiques, même trois conflits très très religieux. L'un, c'est un conflit de la fin du XVIIe à l'intérieur des ordres religieux, et notamment Citeaux, Cluny, etc., qui se déchire dans la France de Louis XIV, de la France de Louis XIII, mais surtout la France de Louis XIV, qui se déchire sur la question de l'observance ou pas de l'observance de la règle, de l'observance stricte ou de l'observance moins stricte, allégée. Et la question du respect des prescriptions alimentaires et surtout d'un régime alimentaire austère, faisant place à très peu de viande, devient une pomme de discorde à l'intérieur des ordres religieux qui, tel que cela, oblige le roi à intervenir. Intervenir le roi en son conseil pour trancher des questions de est-ce qu'on peut manger de la viande le vendredi à l'intérieur de Cluny ou Citeaux, d'autres ordres religieux. C'est un grand moment de production de littérature normative des ordres qui publient leurs règles, soit manuscrites, soit publiées. Et dans ces querelles-là, la question de l'austérité, la question des mœurs joue un très grand rôle. Deuxième problème, c'est le conflit entre catholiques et protestants sur le carême, le respect du carême, le vendredi et la volonté de s'abstenir de viande le vendredi. Alors qu'on est dans une période de l'économie agraire difficile, le petit âge glaciaire, des récoltes menacées, pour beaucoup, la viande, les régions de montagne, par exemple, difficile d'échapper à la consommation de produits animaux parce que la culture des céréales fonctionne pas tout le temps, elle est aléatoire, elle est soumise aux aléas du climat. Et puis troisième élément religieux, C'est aussi la manière d'utiliser l'argument d'autorité. Voilà. Est-ce que il faut chercher d'autres arguments? Est-ce que je dois chercher dans la géographie sacrée, dans la physique sacrée, dans la botanique sacrée, la zoologie sacrée? Est-ce que je dois chercher des arguments pour compléter les lacunes du texte? Ou est-ce que le texte se suffit à lui-même, le texte de la Bible, le texte de Genèse? Et donc l'Église est sans arrêt présente. Et ce qui nous a intéressé, c'est que justement que ces questions Adam et Ève, le régime interne, est objet d'exercices, de prédications. On a trouvé des manuels à l'usage des prédicateurs. Comment faire une bonne dispute sur la question de la consommation de la viande, comment trancher la question du poisson, et c'est objet de prédications, de sermons, alors souvent en période de carême, mais d'une littérature de combat, une littérature d'affrontement, hein, qui joue un certain rôle. Et c'est ça l'étincelle. L'étincelle, c'est au fond un grand livre savant qui va être cité encore par Darwin, le Hierozoïcon de Samuel Bochard. Immense savant qui fait une encyclopédie des animaux cités dans la Bible. C'est un très très grand linguiste, connaît très bien l'hébreu, très bien l'arabe, lit les auteurs arabes, le grec bien sûr, le latin, et donc essaye de traduire les noms des animaux dans la Bible, de voir à quoi ça correspond. Et dans une toute petite passage, toute petite note au passage, estime que Adam et Ève ont dû manger de la viande dans le paradis. Ça va susciter des réponses sans fin des catholiques pendant deux générations. Donc oui, l'Église est bien présente, elle est bien vigilante, parce que pour eux, l'enjeu, c'est de défendre les pratiques du jeûne. Puis j'ajouterai un dernier, je voulais faire trois points, comme on m'a appris à l'école, puis en fait il y en a quatre. Il y en a quatre, mais la Trinité, mettons-la de côté. Il y a un autre point, mais peut-être on pourra y revenir. Voilà, je veux le garder pour... Alors ça, c'est le suspense final, parce que dans la lecture de votre livre, Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes, hein, avec Guillaume Allonge, Olivier Christin, moi je ressens, et je pense que les auditeurs, les auditrices aussi, que c'est une histoire beaucoup plus large, une histoire de l'édition. Parce que tous ces documents sont édités sous différentes formes en plus. Hein. On va avoir du vrai livre costaud et prestigieux, et puis après on va avoir de la petite réponse. Ça circule énormément. C'est cette circulation aussi qui est fascinante, cette république des lettres. Ça échange énormément. Tout à l'heure, vous avez fait un lapsus en disant « il s'appelle ». C'est vrai que le téléphone n'existait pas, mais la rapidité de diffusion des connaissances, elle est là. Oui, alors ça c'est vrai. Alors je fais juste la petite parenthèse du quatrième point. Allez-y. C'est que elle est technique, mais il faut le dire, la révocation de l'édit de Nantes fait rapidement interdiction aux protestants en France d'exercer la profession de médecin. Et donc les médecins veut dire médecin catholique. Et donc les catholiques vont avoir des préoccupations très particulières, ces médecins catholiques. Et on va avoir des personnages qui sont mi-chair, mi-poisson, qui sont très religieux, très catholique, très lié aux ordres religieux, et très médecin et très compétent. Voilà. Un de nos personnages phares du livre, Philippe Aquet, est proche de Port-Royal, habite avec les religieuses, etc. Mais c'est un médecin et il est considéré comme un grand médecin. Alors sur cette histoire, oui, c'est une histoire européenne. C'est ça qui nous a fascinés, c'est comment se constitue un espace savant européen de discussion, par-delà les confessions, par-delà les appartenances politiques ou les lieux de résidence, par-delà les générations aussi, avec des règles tacites qui deviennent de plus en plus explicites. Notamment, il y a un médecin anglais qui va répondre de manière un peu irritée à l'un de ses contradicteurs. Lui, il est partisan de la trituration, que l'estomac est un muscle. L'estomac n'est pas un four qui cuit les aliments ou une usine chimique qui les dessous. L'estomac est un muscle. Il est contredit et on lui demande de réagir à son contradicteur. Et là, il fait une blague obscène, une blague scatologique. Il dit, bien, s'il avait été plus souvent aux toilettes, il saurait que l'estomac est un muscle et qu'il faut contracter le muscle pour aller à la selle. Et tout le monde est scandalisé. Ça détruit sa réputation scientifique en partie. Ce ne sont pas des choses qu'on fait. Et donc là, on a bien, vous avez raison, un espace européen d'une république des savants européennes qui discutent via les journaux, via les académies, via les correspondances et qui fonctionne parce que les gens se citent très très bien. Ils ne trafiquent pas les propos les uns des autres. C'est pas du tout la Sorbonne condamnant Luther. Oui, c'est ça, c'est pas une lecture trop simple de ce monde-là. Avec ici, quand même, on peut pousser un peu la réflexion, Olivier Christin. Y a-t-il des interrogations sur, non pas consommer l'animal, mais consommer ce que produit l'animal? Ce qu'on peut trouver aujourd'hui, le cuir, éventuellement la laine, etc. Est-ce que ça apparaît Oui, ça apparaît. Déjà, ouais. Ça apparaît. Moi, c'est ça qui nous a frappé avec Guillaume Allonge. C'est, d'une certaine façon, exprimé dans une langue qui n'est plus la nôtre, avec des objectifs qui ne sont plus forcément les nôtres, des préoccupations qui restent les nôtres, c'est-à-dire comment traiter les animaux, le lien entre alimentation carnée et santé, le lien entre usage intensif de la terre, déluge et perte de qualité nutritionnelle des aliments, et puis l'exploitation légitime ou non des animaux et de leurs produits. Peut-on utiliser leur force de travail ? Peut-on utiliser le lait des animaux? Peut-on utiliser la peau? Comment étaient vêtus Adam et Ève? Seulement de feuilles, de feuillage, ou aussi de la peau des bêtes et de la laine? La laine, ça ne veut pas dire qu'on les tue. Peut-on utiliser le miel? On va trouver ces questions absolument posées dans notre ouvrage à partir d'auteurs. Dire ça n'est pas céder à ce que nous avons mis dans l'introduction, qui est cette lecture littérale de mouvements créationnistes américains qui pensent qu'il y a un régime donné par Dieu à l'homme et qu'il est encore valable aujourd'hui. Alors ils l'appellent le régime Alléluia ou d'autres noms, et vendent des produits dérivés. On peut trouver sur Internet des petites fioles de compléments alimentaires garanties, fabriquées qu'avec des herbes poussant dans le jardin d'Éden, qui s'appelle Adam et Ève. Il y a le modèle pour homme et le modèle pour femme. Je voulais vous en apporter. Et puis, c'est pas arrivé à temps. Non, Amazon ne m'a pas livré. C'est vraiment bêta, parce que ça aurait peut-être pu nous assurer une certaine forme de salut. En tout cas, c'est compliqué de savoir ce qu'il faut manger ou pas. Cuisiner son semblable. France Culture. N'a jamais été chose facile. Le cours de l'histoire. Tout primitif que l'on soit. Xavier Mauduit. La controverse ne termine jamais, Olivier Christin. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est une enquête. Donc, il y a une conclusion. Adam et Ève étaient-ils végétariens? C'est pas tant la réponse qui est intéressante, c'est de voir comment se construit cette controverse et tout ce que vous nous avez dit là. À quel moment cette controverse ne trouve pas de réponse? C'est pas la question. À quel moment intéresse-t-elle moins? Alors, c'est exactement ce que vous venez de dire. Là, il ne s'agit pas de répondre à savoir si Adam et Ève ont été végétariens, flexitariens, véganes. On a au début quelques exemples de sites américains ou anglais ou australiens assez abondants ou allemands. On s'interroge sur l'indice de masse corporelle d'Adam. Est-ce qu'il se trouve des protéines? Est-ce qu'il mange 15 bols d'épinards par jour pour avoir assez de protéines? Évidemment, nous ne poserons pas ces questions là, pour lesquelles, en historien, nous n'avons pas de réponse. Je ne trouverai pas le régime alimentaire d'Adam, les prescriptions, la liste de courses, manuscrites, on ne va pas trouver. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est deux choses que vous venez d'indiquer. L'une, c'est de dire cette controverse, elle se développe à un moment, 1600, 1650, 1750, parce que ça correspond à un moment d'expansion des sciences de la nature et de déplacement de la frontière entre ce qui relève de la surnature et ce qui relève de la nature. De ce qui relève de ce que l'homme, ce qui est révélé à l'homme et de ce que l'homme peut connaître par ses propres forces, par ses propres instruments. Et si on dit ça, alors on dit que l'homme doit développer des méthodes, un savoir-faire, des manières de discuter, d'enquêter. Et du coup, au fond, notre enquête prend fin un peu dans deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec des gens comme Spallanzani, Needham, de très très grands savants qui travaillent avec Buffon, qui utilisent des microscopes, qui travaillent sur les animaux unicellulaires, mais qui continuent à intégrer quand même des allusions quand ils manquent d'arguments. Ils remettent l'histoire de la Genèse. Mais en gros, chez eux, sur ces questions, la preuve expérimentale l'a emporté sur l'argument d'autorité, l'argument, l'expérience. On peut le faire, on peut le prouver, on peut refaire l'expérience, on peut le montrer, on peut l'observer. L'emporte petit à petit sur l'argument d'autorité, et c'est ça où nous arrêtons notre enquête. Bien sûr, on trouverait encore des textes de théologiens du 19e siècle, mais ils seraient résiduels, ils ne seraient plus majoritaires, ils répéteraient ce qui a été dit au 17e et au 18e, donc on s'est arrêté là. La deuxième réponse qu'on peut donner à quand ça s'arrête, eh bien au fond, c'est que ça ne s'arrête pas. C'est que ça ne s'arrête pas parce qu'on peut considérer qu'Adam et Ève ont existé, on peut considérer qu'ils n'ont pas existé. Il n'en reste pas moins qu'ils nous apprennent aujourd'hui, même si on n'y croit pas, que l'homme ne doit pas faire tout ce qu'il peut. ne peut pas consommer tout ce qui est à portée de la main tout de suite sans penser à la suite, sans penser aux animaux, sans penser aux autres générations, sans penser à la nature, sans penser à la destruction de l'environnement. Au fond, ce récit mythologique, comme vous le disiez au début, c'est un peu un récit de la vertu de la modération, la vertu du contrôle de soi, de la maîtrise de soi. Et c'est une belle leçon contre l'extractivisme fou. C'est-à-dire, oui, on peut tuer autour de nous, avoir... je crois que c'est Victor Hugo qui dit que les animaux n'ont pas besoin d'en faire, ils ont déjà la terre. On a peut-être d'autres solutions que de créer des mouroirs atroces partout, des endroits où on massacre des animaux dans des conditions atroces parce que nous mangeons plus de viande, trop, qu'on en jette. Et je trouve que ce mythe d'Adam et Ève fait écho à des préoccupations légitimes qui sont les nôtres, dans une autre langue que là. Mais qui peuvent venir éclairer nos questions. C'est vraiment ce qu'on ressent à la lecture de cet ouvrage Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes, que vous avez écrit Olivier Christin avec Guillaume Allonge, publié chez Anacharsis. Ça va vraiment une vraie enquête, c'est ça qui est passionnant. Enfin, un travail d'historien formidable avec ce retour aux sources et puis cette petit plaisir, on va dire, de suivre une réflexion intellectuelle. C'est très drôle de voir comment la controverse se construit à tel argument, se répond à un autre argument. Intellectuellement, c'est génial. Et puis, comme vous venez de le dire avec justesse, cet écho à nos préoccupations d'aujourd'hui. Merci vivement à vous. Merci. Olivier Christin. Il est temps de poursuivre notre réflexion, cette fois-ci avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi les Limougeaux n'aiment pas le mot limogeage? Dans une question écrite publiée le 22 décembre 2022 dans le journal officiel du Sénat, Nicole Bonnefoy, sénatrice socialiste des Charentes, reprocha au gouvernement d'avoir limogé Marie Lajus, la préfète de l'Indre. Le but de ma chronique d'aujourd'hui n'est pas de me prononcer sur le fond de cette affaire, mais d'attirer l'attention des auditeurs sur une question trop souvent négligée. Pour qu'une polémique puisse exister, il faut que les protagonistes, au-delà de tout ce qui les oppose par ailleurs, partagent le même langage. Qu'ils soient de droite ou de gauche, pour ou contre le gouvernement, tous ceux qui prirent la parole dans cette affaire utilisèrent le vocabulaire du limogeage. Pourtant, les habitants de Limoges aimeraient qu'on emploie d'autres termes pour désigner les hauts fonctionnaires privés brutalement de leurs fonctions par leur hiérarchie. J'ai retrouvé un article paru le 13 juillet 2014 dans le Populaire du Centre qui résume bien le ras-le-bol des Limougeaux. Le verbe « limoger » a vu le jour il y a un siècle. Maintenant, ça suffit, lit-on dans ce journal qui ajoute « Dans la cité des arts du feu, on subit ce terme déplaisant qui donne une mauvaise image de la ville ». L'origine des mots « limogé » et « limogeage » remonte au tout début de la Première Guerre mondiale. Après les premiers revers militaires de la France, le général Joffre, estimant que de nombreux officiers étaient incompétents, ils furent écartés du front. Bien qu'une douzaine d'entre eux seulement ait été déplacés à Limoges, c'est à partir de ce moment-là que l'expression « se faire limoger » commença à circuler, même si elle ne s'imposa qu'après la guerre. Dès cette époque, des voix s'élevèrent contre ce vocabulaire. Pour rafraîchir la mémoire des sénateurs, il n'est peut-être pas inutile de rappeler le compte-rendu d'une séance qui eut lieu dans la chambre haute du Parlement français. La bonne ville de Limoges s'est plaint l'autre jour par la voix publique du Sénat, lit-on dans le Temps du 9 avril 1919. Un orateur, qui n'est pas limousin, ayant prononcé à la tribune les mots « limogé » et « limogeage », qui d'ailleurs ne sont pas encore admis dans le dictionnaire de l'Académie, un honorable sénateur de la Haute-Vienne intervint pour protester contre l'emploi de ces expressions à qui l'hospitalité de l'officiel risquerait, dit-il, de donner une consécration offensante pour une population digne en tout point de la considération nationale. Pour expliquer les raisons de l'hostilité des Limougeaux à l'égard de ce terme, il faut sans doute l'éclairer en rappelant une histoire plus ancienne. En 1663, Jean de La Fontaine, qui s'exila quelques mois à Limoges, écrivit à son épouse que les coutumes des habitants, leur façon de vivre et leurs occupations ne lui plaisaient pas. Quelques années plus tard, dans sa comédie ballet intitulée « Monsieur de Pourceaugnac », Molière mit en scène un gentilhomme limousin aussi bête que ridicule. Voilà un exemple qui montre comment les normes culturelles que le roi Soleil imposa au peuple français depuis Versailles alimentèrent un mépris multiséculaire pour les habitants des régions que les élites parisiennes appellent aujourd'hui encore la province. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture. France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec également Anna Holweck, émission avec aujourd'hui à la technique Félix Delacour et Ludovic Augier, émission préparée par Jeanne Delecroix, Tosiane Vudas, Jeanne Copé, Gilliane Tillima, Yuen Guizhiu et Violette Ruiz qui mangent ou pas de la viande. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. Et demain, nous avons le conservateur du cimetière du Père Lachaise, une histoire 6 pieds sous terre.